Les enfants coréens livrent dynamiquement les activités extrascolaires pendant les vacances d'hiver. La patinoire couverte, la patinoire à ciel ouvert du peuple et autres établissements de Pyongyang sont animés tous les jours par les loisirs des enfants. Les enfants des provinces du Gangwon et du Liangang passent leurs vacances à faire du ski, de la luge et d'autres sports d'hiver, surtout au col Massi. Les enfants de la région sinistrée au nord de la province du Hamgyong du Nord organisent bien le programme des sports extrascolaires. Les écoles secondaires du cycle supérieur de Songbuk de la ville de Faelyong, de Haksan de l'arrondissement de Musan et d'autres écoles livrent les matchs de basketball, de volleyball par classe, ainsi que d'autres sports sur glace pour fortifier les corps et âmes des enfants. L'école primaire de Namsan de l'arrondissement de Musan, spécialisée à la formation des futures stars de football du pays, utilise diverses installations sportives pour que les enfants passent agréablement leurs vacances.